Bon, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Particulière, oui, sympa, on va dire. En fait, je vais faire une petite balade dans la vallée de la Guisane. Je vais partir de Briançon avec un bus qui va nous amener à Monnetty-les-Bains. Et on va aller au village qui s'appelle Le Cassé pour aller manger chez Finette. Et puis je vais te présenter quelqu'un, ça va être super. Allez, à tout à l'heure pour le petit fil rouge. Bon, là on vient de finir de manger. On a mangé chez Finette au Cassé. On a pris le bus à la gare de Briançon, on s'est arrêté à Monnetty-les-Bains. Et là, on a mangé un petit repas très sympa au Cassé chez Finette. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit ce matin, c'est une journée un peu spéciale pour moi parce que ben, je suis avec un vieux copain. Vieux dans tous les sens du terme. Hein. Ouais, il n'est pas jeune déjà. Je rigole, il n'est pas très jeune. 80, 82, 82 ans. Et c'est surtout un vieux copain dans le temps, parce que j'espère que ça va capter là, que du vent. Pierre, je le connais depuis 1999, le siècle passé quoi. Et en fait, quand j'explique aux gens que j'ai eu de belles rencontres et des gens qui ont fait que je puisse aussi, comment dire, après la mal et non-voyance, me reconstruire tout, mais Pierre, il fait partie de ces personnes. Voilà, j'arrivais à Briançon, à la retraite. Ma vie professionnelle étant terminée, j'ai choisi de venir en montagne à la retraite parce que j'ai toujours fait du ski depuis mon tout jeune âge, à l'époque où on ne parlait pratiquement pas de ski, c'était au début des remontées mécaniques. Et on avait choisi, ma femme et Nansa aussi, Briançon, une petite ville où on pouvait partir ski au pied. Bon, avec Michel et sa famille, sa femme, nous avons tout de suite sympathisé. Pourquoi? Ouais, parce que, je ne sais pas, ils étaient très sympas et puis on devait l'être aussi pour eux. Et c'est là que, connaissant Michel, il était en train de perdre la vue. Allez, mon Pierre, c'est reparti. Alors, du coup, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, bon, ben, j'étais. Michel m'y voyait, me voyait de moins en moins. Il me dit, oh là, je ne sais pas, je te vois, quoi, je pense que je te vois, mais. Bon, et puis, pour discuter, pourquoi on était. J'étais venu ici, à Briançon. Alors, elle m'a expliqué que pour moi, c'était le ski et que c'était un de mes sports favoris. Et que si j'étais là, c'était bien pour pouvoir skier et tout. Et c'est à ce moment-là, en discutant, que tu me dis, que Michel me dit, ben, moi, le ski, oui, ça me plairait bien, mais. Pour en faire, c'est difficile. J'ai essayé d'en faire avec. On en a fait plusieurs fois avec Erika. Mais la dernière fois, maintenant j'y vois de moins en moins, la dernière fois on s'est rentré dedans. Et moi, c'est ça que je te dis, bah tiens, si tu veux, moi je veux bien essayer de t'accompagner au ski, on verra ce qui va se passer. Comment ça se passe? Mais j'adore apprendre aux gens à skier et puis aller et à les aider pour le ski et tout ça. Alors tu me dis que. Ça, c'était dans les années 2000, début des années 2000. Ah, 99, 2000. Et tu me dis, ouais, je te demandais ton niveau, tu me dis, oh, bah, je descends à peine des rouges et encore. Des rouges pas mûres, hein. Ouais. Et encore, ben j'ai dit, bon, on essayera. Alors, qu'est-ce que, du coup, là, on a commencé à faire un peu de ski. Ouais, tu commençais à faire un peu de ski, en haut. Et on y allait, bon, on y allait au moins pratiquement presque deux fois par semaine. Quand il n'y avait pas trop de monde, bien sûr. Au mois de janvier, c'est le top. Et au mois de janvier, comme tu dis, c'est le top. La neige est bonne et tout, et puis, pas moins de monde. Bon, petit à petit, On a continué, on s'est très bien entendu. Après, il est arrivé une chose, c'est que Michel manquait de résistance et je lui avais conseillé de courir, faire quelque chose, faire du sport. Et là, lui, là, il est parti là-dedans, avec au départ, en courant sur le stade, avec Erika qui le suivait en vélo. Puis petit à petit, il a trouvé un copain qui courait et ils sont mis à courir tous les deux. Donc ça, et c'est comme ça que il est arrivé à se muscler les jambes et tout. Et qu'après, on a vraiment skié. Mais skié à fond, comme on dit. Parce qu'il y a des moments avant, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Quoi. Alors pour te donner un peu, au niveau temporel, il y a eu une petite pause dans le ski malgré tout quand j'ai connu Pierre. Mais après, j'ai eu mes deux enfants. Et c'est vrai que j'ai un peu moins skié à partir de 2003-2004. Et ce qui nous a remis en selle, ce qu'elle veut dire, c'est les JO, les Paralympiques qui étaient juste à côté de Briançon. C'est ça. On est allé voir une épreuve et tout. Et là, ça m'a redonné la fibre. C'est vrai, c'était le redépart. Allé voir le... Et la course à pied, c'était 2007 où j'ai commencé à courir. Bon, on va finir un peu pour le ski là. Quoi. Parce que 2007, ça a été un peu la. Ce qu'on vient de discuter en aparté, c'est que à partir de 2007, la pratique a été plus régulière et avec des 2 à 3 fois par semaine de ski de 9h à 13h en gros. Voilà, de 9h à 13h, et entre 9h et 13h, on avait skié, on s'entendait si bien et que ça marchait si bien qu'on skiait sur toute la station de Cercheux. On arrivait à faire en 3 heures la station complète de Cercheux, monter, descendre, faire livrer. Le bas des pistes et le haut des pistes. Oui, venir jusqu'à. Et puis même à essayer des chousses, à essayer des pointes à 70, 80 km/h. On était 80 km/h. Ouais. Et tout ça, c'est super. Ça, c'est une chose qui va me rester toute ma vie, moi. Parce que le fait de faire du ski avec Michel, je ne peux pas penser ce que ça me faisait à moi. Moi, pouvoir l'accompagner et voir ce qu'il faisait, quand je rentrais, c'est comme si j'avais vécu je ne sais pas quoi. J'étais vraiment en forme pour toute la semaine. Et le reste. Mais il y avait aussi le truc de... Parce qu'il y avait... bien sûr que c'était un peu sportif. Oui. Mais il n'y avait pas... C'était aussi... On avait beaucoup de discussions sur les télésièges. Beaucoup de partage, beaucoup... Voilà, des moments de vie, quoi. Et toujours en faisant des belles choses aussi. Alors on va parler un peu, on change un peu de sujet. Bon, le ski, c'est quand même une grosse partie de notre rencontre à Pierre et moi quand même. C'était, comme on disait, 3 sorties par semaine sur 12 semaines ou 15 semaines de l'hiver. Quoi. Et voilà, mais après, quand il n'y a pas eu que ça. Après, il y a eu l'association Alpes Regard 05. Michel a créé avec Marine, tout ça. Moi, j'étais simplement que j'ai écouté au départ, j'ai fait partie de l'association, et c'est ainsi qu'on a pu, sur les Hautes-Alpes, regrouper pas mal de non-voyants, malvoyants, surtout des malvoyants. Et c'est là qu'avec Michel, on a eu l'idée aussi, pour ceux qui étaient intéressés, de faire des randos en montagne, une fois par an. Une rando, ce qu'on appelle itinérante. Itinérante, parce que moi, je voulais leur faire connaître un peu les refuges. C'est-à-dire qu'on partait sur 4 jours et 3 nuits en refuge. Et on va parler un petit peu, ce qui est un peu plus, entre guillemets, exceptionnel. Moi. Parce que durant ces années de ski, d'associatif et tout ça, là, toutes ces années un peu de... On a eu en parallèle une rencontre avec une personne qui s'appelle Gisèle Lafont. On ne s'est pas jugé là surtout, mais ça nous a permis à Pierre et à moi de vivre des moments, des choses qu'on... Bon, déjà moi, je ne pensais pas vivre, c'est sûr. Oui, moi non plus, qu'on ne pensait pas, à laquelle on ne voyait pas. Voilà, c'était une chose qui était pour moi totalement inaccessible en fait. C'était ce qu'on appelle la haute montagne, quoi, la vraiment haute montagne, qui est des sommets qui sont au-dessus de 3005 ou plus. Et toi, Pierre, qu'est-ce que ça te rappelle tout ça? Ça s'est passé sur le télésiège. Tu m'as dit, on m'a pris contact là avec. Je rencontre une personne qui cherche des personnes aveugles pour les emmener en montagne, en haute montagne, pour faire Rochefort-Yeau aussi chez nous. Ah, ben je dis, mais c'est bien. Et tu m'as dit, est-ce que ça t'intéresse? Ah, moi j'ai dit, si je peux, oui, je veux bien t'accompagner. Et c'est ainsi que on a rencontré Gisèle Lafont et que le projet de la Rochefort-Yeau a été a pris forme. Moi, je m'appelle Pierre Coutonjean. Bon, je suis retraité de l'enseignement. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je guide Michel depuis quelques années. Quand je lui dis tu poses le pied là, tu lèves le pied ou tu viens là, c'est exactement ce qu'il fait. Et on avance comme ça. Et alors pour moi, si tu veux, ce que je ressens de cela, pour moi c'est extraordinaire. Les écrins sont devenus tout rose foncé là. C'est superbe. Il n'y a que cette montagne là qui est éclairée pour le moment. Alors, avec les crevasses, la rimée qui fait des ombres, ça fait un paysage extraordinaire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire parce que j'ai eu de très bonnes sensations au niveau du toucher de la neige, de la grimpe en rocher et tout. Alors que c'était une découverte, je me suis vraiment, vraiment éclaté. On va faire un petit flash sur la partie entre Tête Rousse et le sommet du Mont Blanc. On en a parlé un petit peu avec Pierre, il sait que on peut pas tout enregistrer, ça serait trop long. On va pas écrire un livre. Non, quoi. Quand on est parti de Tête Rousse, là, et tout ça, c'est là où après il y a tout ravisement, passage où énormément de pierres et de rochers descendent là, ces boules. Et c'est là que toutes les années, il y a des gens qui se font plus ou moins prendre et qu'il y a des décès d'ailleurs. C'est un éperon, c'est un éperon rocheux, il faut mettre un peu les mains pour passer ce passage-là. Pas là, pas là. Là, tu parles vraiment d'en bas, toi. C'est vraiment un vallon. D'accord. Un vallon où quand ça dégèle, là, tout descend à une halle de très haut, très loin, et les pierres rebondissent et tout. Si bien que quand on est passé assez tôt. Mais quand même, j'en ai vu deux ou trois qui sont passés au-dessus de la tête, là. Donc, c'était pas des énormes, mais bon, heureusement. Oui, bon, une fois qu'on a passé ça, après, c'est grimper jusqu'au refuge de dans du rocher. C'est pas très dur, il faut mettre un peu les mains de temps en temps. Mais bien, bien, bien, bien, et les guides trouvaient que Michel se débrouillait très, très bien. Et quand on est arrivé au refuge du goûter, l'ancien, pas le nouveau, j'ai dit à Michel, tiens, tu vois, tu sens cette barrière, allez, tu passes la barrière. Ils m'ont fait passer même la barrière, parce qu'en fait, il y a un cheminement pour éviter la barrière de sécurité. Ils m'ont fait passer la barrière. Et ils m'ont fait passer la barrière. Voilà, et c'est une autre barre au-dessus. Encore plus haut. Voilà, ouais, c'est plus dur. Là, les gens, ils galèrent souvent. C'est là qu'ils butent souvent, les gens. Et là, il faut que tu enjambes la barrière. Alors, tu montes sur celle-là. Non, parce qu'il y a la corde. Mets ton pied là, à califourchon. Renvoie le pied sur la barre. Pour Michel et Bibi. Wow. Yes. Pour Michel et Bibi. Wow. Wow. Ouais. Bon, après ça, Michel, il t'a fait une blague, mais c'est un chemin qui arrive. On n'est pas obligé de passer par-dessus la barrière. Hein. Là, on espère, bien qu'il pleuve un petit peu en ce moment, un peu de pluie et du grésil, que ça va se lever cette nuit, comme prévoit la météo. J'espère qu'elle ne se trompera pas. Et qu'on y arrivera. Alors, on n'a jamais été aussi près, là. De rester 400 mètres de dénivelé, mais ouais, ça, pour l'instant ça se passe bien. Voilà, il y a quelque chose à découvrir là-dessus. Voilà. C'est l'altitude là. Émis. Je sais pas. J'arrive. Excusez-moi. Je dirais EM. En. Oui, c'est ça. En. Après ben. Il faut que tu me livres un petit peu tes émotions là, comment tu te sens? Bien, c'est simple à dire, mais c'est vrai, je me sens vraiment très bien. Ça a été vraiment un grand moment d'émotion. Je crois que j'ai pleuré sur toute l'arête sommitale. Là. En plus, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait beaucoup de vent. Et en fait, pour moi, non-voyant, le vent, c'est votre, pour un voyant, ce serait du brouillard, on va dire. C'est-à-dire que j'étais enveloppé d'une sorte de. J'étais un peu seul, tu vois, je sais pas comment expliquer. Et puis Pierre donc qui me donnait des coups sur les bâtons pour me dire si j'avais pour me guider un peu plus et tout. C'était un moment très très spécial, très magique. Quoi. Et puis l'arrivée là-haut, voilà. En plus on avait de la chance. Super beau temps, bon le vent mais ça c'est pas. On est arrivé là-haut personne, ce qui est rare au Mont Blanc je pense. Et on a pu rester un bon quart d'heure, 20 minutes, sans qu'il y ait personne. Donc voilà. Je pense qu'on était vraiment voilà, un moment exceptionnel. Voilà, je suis très content en tout cas.